Chapitre 2. Un adversaire de marque. Vous vous doutez bien, mademoiselle, lui dit enfin le grand chef militaire français devant qui elle s'était trouvée, que nous ne vous avons pas prié de vous rendre ici uniquement pour y manger des huîtres, un perdreau sur canapé, après une sole à l'anglaise, et déguster ce bon chambertin après ce pétillant Bouvray. Ce que vous avez vu, de l'autre côté du fossé plein de sang et de mort qui sépare les deux armées, ce que vous nous en avez rapporté, avec autant d'intelligente précision que de sens psychologique, nous incite à vous demander un service, libre à vous d'ailleurs d'accepter ou de refuser. Nous n'aurons qu'à vous demander votre parole d'honneur de vous taire, quoi qu'il advienne, un ou deux mois durant, et nous savons que, l'ayant donnée, vous la tiendrez. » Elle s'inclina légèrement et dit « J'écoute, monsieur le général. Je vous remercie, » dit gravement le général. « À vous, colonel. » Le colonel, il avait avec la moustache blanche les yeux les plus jeunes du monde, s'inclina, sourit et dit « Une simple question pour commencer, mademoiselle Van Leggels. Avez-vous entendu parler, en Belgique ou en Hollande, de Von Priust ?»« Von Priust, Von Priust. » répéta songeusement Elsa. « Oui, ce nom me dit en effet quelque chose. Mais si je ne m'abuse, il n'est pas allemand. Ne serait-il pas plutôt russe ?»« Sa racine est slave, en effet, » dit le colonel. « Il provient du mot « Priut », qui signifie « asile » et parfois « étranger » dans le sens de celui qui jouait du droit d'asile. La déformation du TI final en Théo et en Tch est fréquente en Bohême. Et Von Priust est en effet un Allemand du pays slovaque. Mais depuis 3 générations, sa famille est au service de l'aigle noir, ce qui signifie au service du roi de Prusse, fanatiquement. Et nous savons en effet que le major Hermann von Priust est un de nos plus redoutables adversaires. Car si von Reiter et von Horn sont les meilleurs organisateurs de l'espionnage allemand jusque dans nos lignes, Hermann von Priust est certainement le meilleur organisateur du contre-espionnage dans les leurs. Il a fait pincer 2 de nos agents centraux, le lieutenant Savigny et l'adjudant-chef Peringoz. Savigny s'est fait tuer après avoir détruit tous ses documents et descendu 9 de ses adversaires. Quand il a rendu l'âme, il était criblé de balles. Peringoz, pris par surprise, est dans un camp de représailles. Cela, c'est la loi de la guerre et nous n'avons rien à y redire, si cruelle qu'elle soit. Nos hommes ont fait aux pays envahis, dévastés, sanglants, le sacrifice de leur vie. Les leurs aussi, d'ailleurs, je leur connais. « Ah !» dit tout à coup Elsa, « Von Priust, je sais. Mais vous parlez d'un major. C'est un capitaine de corvette. Vous l'avez vu? Vous le connaissez ?» s'exclamèrent les 4 hommes. « Oui, avec Von Kurtzer. » Et les yeux fermés à demi pour évoquer avec plus de force son souvenir et mieux rassembler ses idées, elle dit « Un grand garçon de 32 à 35 ans, très svelte, robuste, sans lourdeur, rasé, le teint blanc, les yeux glauques, les cheveux assez longs, roux clair, couleur de cuivre rouge, l'air plus nordique que germain, une large balafre à la joue gauche, beaucoup de chic et d'allure, dans sa tenue de marine de guerre. By Jove, ce doit être ce gaillard-là qui vient chercher ses agents jusque chez nous, » grommela l'officier anglais. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ? » demanda le général. « Tout à fait sûr, monsieur le général. » « Il faudra vérifier le fait, » murmura le colonel. « Quoi qu'il en soit, c'est cet homme-là que nous voudrions pincer. » Et nous avons pensé à vous pour nous le dépister. Il travaille en ce moment, nous le savons, tantôt à Londres, tantôt à Amsterdam, tantôt à Anvers ou à Bruxelles. Il faudrait l'identifier, entrer en relation avec lui, le suivre, et au besoin, accepter de faire partie de ses services. « Merci bien, » fit Elsa, « mais je viens de passer en Belgique des journées assez pleines, pour n'avoir guère envie d'y retourner de sitôt. Je dois être signalé partout. » « Vous a-t-on photographié? A-t-on pris vos mensurations ?» s'inquiéta le général. « Non pas. Le noli me tangere, la distinction que m'avait accordée le Kaiser, m'a épargné ces humiliantes mesures de précaution. Voilà, jeune femme. Je ne vous conseille pas d'y recourir à nouveau, » dit le lieutenant-colonel belge. « Aussi prendrai-je soin de le laisser chez moi, » fit Elsa en riant. « Vous acceptez donc ?» demanda le général, dont le regard jusque-là un peu soucieux s'éclaira. « J'accepte, monsieur le général, mais sous cette réserve, que je ne commencerai à agir que dans 3 ou 4 mois. Il me faut leur laisser le temps de se calmer. Je vais rentrer chez moi, à La Haye, très ostensiblement, et non moins ostensiblement partir de là pour Londres. Après, nous verrons. Voulez-vous maintenant me documenter sur l'homme, un peu mieux que vous ne l'avez fait? Je l'ai vu un jour avec von Körter, au restaurant, une autre fois à mon propre hôtel, et je crois bien l'avoir croisé à l'état-major de von Bissing. C'est beaucoup et c'est bien peu. Je vais vous dire ce que nous savons, répliqua le colonel. Son agent principal serait à Anvers, un nommé von Hödmann, qui tient une Weinstube, genre cabaret montmartrois pour Jean Duport. Je vois, c'est bien cela, dit Elsa. Il n'y doit pas manquer grand-chose pour faire un véritable bouge, n'est-ce pas? Devant son clair regard, le colonel hocha la tête approbativement. C'est de là, vraisemblablement, que partent ces directives, répondit-il, là que sont concentrés les renseignements qui concernent nos agents, là enfin qu'il prépare ses coups. Car il ne se contente pas de faire travailler, il travaille lui-même et de main de maître. Il nous a joué des tours remarquables. Dommage que cette main-là se soit partout un peu tachée de sang. Car s'il le faut, il n'hésite pas à tuer. Deux fois déjà, il a passé si près de nos pièges que nous l'avons cru à notre merci, et par deux fois, il nous a littéralement fondus dans les mains, mais en laissant des cadavres des nôtres derrière lui. Alors, si vous le prenez, vous le fusillerez? Demanda Elsa, très pâle. Nous devrions le faire, mais nous ne le ferons pas. Je conçois, mademoiselle, que vous ne vouliez pas devenir une pourvoyeuse du peloton d'exécution. Von Priust, en nos mains, sera un très précieux otage, et le cas échéant une monnaie d'échange, si j'ose ainsi dire. Comprenez-vous? Nous attendons de vous une indication qui nous permette d'agir à coup sûr. L'adversaire est digne de vous et connaît la façon de jouer le jeu. Il y a une belle partie à tenter. Prendrez-vous les cartes en main? Oui, dit Elsa avec calme, sous l'engagement formel de votre part que cet homme ne sera pas exécuté. Parole d'honneur, dit le général. Dès maintenant, nous allons, mademoiselle, vous préparer quelques atouts.